Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 4e, incarnation du Verbe. Chapitre 20, mission du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, si nous voulons dire qui le Fils a été envoyé par le Père, en ce sens que l'un est Père et que l'autre est Fils, rien n'y peut s'opposer à ce que nous reconnaissions le Fils consubstantiel et coéternel au Père, quoi qu'il en ait reçu sa mission. Dans le dogme catholique, le Père n'est point supérieur au Fils, et le Fils n'est point inférieur au Père, mais l'un est principe générateur et l'autre est engendré. Le Fils est envoyé par celui qui l'engendre, et le Père envoie celui à qui il communique l'être. Et en effet, le Fils procède du Père, et non le Père du Fils. Aussi est-il facile de comprendre qu'on puisse dire que le Fils a été envoyé, non parce que le Verbe s'est fait chair, mais pour qu'il se fît chair, et qu'en prenant la nature il accomplit les oracles de l'Écriture. Dans ce sens, le Fils de Dieu n'est pas seulement envoyé comme homme, le Verbe même est envoyé pour se faire homme. En effet, le Fils est dit envoyé, non parce qu'il est inférieur au Père en puissance et en nature, ou parce qu'il lui est inégal en quelque chose, mais parce que comme Fils il est engendré du Père, tandis que le Père ne procède point du Fils. Au reste, le Verbe ou le Fils de Dieu est aussi appelé sa sagesse. Est-il donc étonnant qu'il soit envoyé non comme inégal au Père, mais comme une parfaite émanation de la clarté du Tout-Puissant? Sagesse 7, 25. Or ici, le rayon qui émane et le foyer d'où il se répand sont de la même nature, car ce n'est point une source d'eau vive qui jaillit des veines de la terre, ou des flancs d'un rocher, mais une lumière qui s'échappe du sein de la lumière. Aussi, lorsque nous disons que le Verbe est la splendeur de la lumière éternelle, voulons-nous signifier qu'il est lumière de lumière éternelle? Car la splendeur de la lumière n'est pas autre que la lumière elle-même. C'est pourquoi elle est coéternelle à la lumière dont elle est la splendeur. Seulement l'auteur sacré a dit plutôt splendeur de lumière que lumière de lumière, afin qu'on ne crût pas qu'il supposait quelque infériorité entre la lumière et le rayon qui s'en échappe. Et en effet, dès que celui-ci est la splendeur de la lumière, il devient plus facile d'admettre qu'il lui doit son éclat que de supposer qu'il lui soit inférieur. Cependant, il n'était pas à craindre que l'on en vînt à regarder la lumière comme moindre que le rayon qu'elle engendre, car jusqu'ici aucun hérétique n'a avancé un tel paradoxe, et il est probable que jamais on n'osera le faire. Mais parce que nous pourrions peut-être penser que le rayon est moins éclatant que la lumière qui le produit, l'Écriture prévient cette objection, et dissipe tous nos doutes en disant que le Verbe est la splendeur du Père, c'est-à-dire de la lumière éternelle. Elle affirme ainsi l'égalité parfaite du Père et du Fils. Supposons en effet que le rayon soit inférieur à la lumière, il en sera l'obscurcissement et non la splendeur. Si au contraire il lui est supérieur, comment pourrait-il en être la production, puisqu'alors l'effet serait plus grand que la cause? Mais parce que le Verbe est le rayon qui émane de la lumière éternelle, il ne lui est pas supérieur, et parce qu'il en est la splendeur et non l'obscurcissement, il ne lui est pas inférieur, donc il lui est égal. Au reste, ne nous troublons point en lisant que la sagesse divine est une émanation de la clarté du Tout-Puissant, car presque immédiatement il est dit qu'elle est unique et qu'elle peut tout. Sagesse 7, 25 à 27. Or, qui est le Tout-Puissant, si ce n'est celui qui peut tout? Ainsi la sagesse divine est envoyée par le Père de qui elle émane. C'est ce que reconnaît Salomon dans la prière suivante qu'il a adressée au Seigneur. Épris d'amour pour cette sagesse, et désireux de la posséder, il s'écriait, « Envoyez-la du ciel, votre sanctuaire, et du trône de votre grandeur, afin qu'elle soit avec moi, et qu'elle agisse avec moi. » Sagesse 9, 10. C'est-à-dire afin qu'elle m'enseigne à travailler utilement, car sans elle les travaux de l'homme sont stériles et infructueux, tandis qu'avec elle ils deviennent féconds en vertu et en bonnes œuvres. Toutefois l'envoi ou la mission de la sagesse divine est bien différente selon qu'elle est envoyée à l'homme ou qu'elle-même se fait homme. C'est elle en effet qui, se répandant les âmes saintes, qui fait les amis de Dieu et les prophètes, sagesse, 7, 27, qui remplit les esprits célestes, et qui les emploie de la manière la plus convenable à l'exécution de ses volontés. Mais quand la plénitude des temps fut arrivée, cette même sagesse descendit sur la terre, non pour remplir les anges, ni devenir elle-même un ange, si ce n'est en ce sens que le Verbe nous a révélé les conseils éternels du Père, qui sont aussi ses propres conseils. Ce n'était pas non plus pour converser avec les hommes, ni s'épancher en eux, comme déjà, elle l'avait fait à l'égard des patriarches et des prophètes, mais c'était pour prendre la nature humaine, en sorte que le Verbe divin devint fils de l'homme. Tel est ce mystère de l'incarnation dont la révélation, avant même qu'elle se réalisât dans le sein virginal de Marie, a été le principe du salut pour les saints et les justes qui ont vécu sous l'Ancien Testament, et qui sont nés de la femme. Et aujourd'hui encore ce même mystère accompli et publié dans l'univers entier, est la sanctification de tous ceux qui en font l'objet de leur foi, de leur espérance et de leur amour. Il est en effet, ce grand sacrement d'amour qui s'est montré dans la chair, qui a été autorisé par l'Esprit, manifesté aux anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, 16. Le Verbe de Dieu est donc envoyé par celui dont il est le Verbe, et le Fils est envoyé par le Père qui l'a engendré, ainsi encore le Père qui engendre, envoie, et le Fils qui est engendré, est envoyé. Bien plus, ce même Verbe est envoyé à tout homme qui le connaît et qui le comprend, du moins, autant que notre esprit peut le connaître et le comprendre en raison de ses progrès et de son avancement dans les voies spirituelles. Il ne serait pas exact de dire que le Fils est envoyé, en tant qu'il est engendré du Père, mais en tant qu'il est apparu dans le monde revêtu de la nature humaine. C'est en ce sens qu'il a dit lui-même, « Je suis sorti de mon Père, et je suis venu dans le monde. » Jean 16, 28. On peut aussi affirmer que le Verbe multiplie dans le temps sa mission céleste, toutes les fois que notre esprit le perçoit, selon cette parole de Salomon, « Envoyez, Seigneur, votre sagesse, afin qu'elle soit avec moi et qu'elle travaille avec moi. » Car le Verbe qui est engendré de toute éternité, est lui-même éternel, puisqu'il est, la splendeur de la lumière éternelle. Nous disons au contraire qu'il est envoyé dans le temps, parce qu'il s'est fait connaître aux hommes, aussi cette mission du Fils de Dieu ne s'est-elle véritablement réalisée que le jour où, dans la plénitude des temps, il naquit de la femme et se montra en la nature humaine. En effet, le monde avec sa propre sagesse n'ayant pu connaître la sagesse de Dieu, parce que la lumière luit dans les ténèbres, et que les ténèbres ne la reçoivent pas, Il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication ceux qui croiraient en lui. C'est pourquoi, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. 1 Corinthiens 1, 21, Jean 1, 5, 14. Cependant, lorsque ce même Verbe est perçu dans le temps par notre intelligence, on peut bien dire tout ensemble qu'il est envoyé, et qu'il n'est pas envoyé dans le monde, car il ne se montre point à nous sous une forme sensible, c'est-à-dire qu'il n'est point aperçu des yeux du corps. C'est ainsi que nous-mêmes ne sommes plus en quelque sorte dans le monde, quand notre intelligence s'abîme, autant qu'elle le peut, dans les profondeurs de l'éternité. C'est encore dans le même sens que les justes ici-bas, quoique vivant en la chair, ne sont plus du monde, parce que leur esprit est tout absorbé dans les choses divines. Cependant, nous ne disons point que le Père soit envoyé, quoique dans le temps il se révèle aux hommes. La raison est qu'il est à lui-même son propre principe, et qu'il ne procède d'aucune autre personne divine. Tout au contraire, la sagesse, où le Verbe dit « Je suis sorti de la bouche du Très-Haut », et il est dit de l'Esprit Saint, qu'il procède du Père. Ecclésiaste 24, 5, Jean 15, 26. Mais le Père ne procède d'aucune de ces deux personnes. Ainsi le Père engendre et le Fils est engendré, et de même le Père envoie et le Fils est envoyé. Mais ici celui qui engendrait celui qui est engendré, celui qui envoie et celui qui est envoyé ne sont qu'un, parce que le Père et le Fils ne sont qu'un. Jean 10, 30. Ainsi encore le Saint-Esprit est un avec le Père et le Fils, parce que les trois personnes divines ne sont qu'un seul et même Dieu. Nous disons également que le Fils est né du Père, parce qu'il a été engendré du Père, et qu'il a été envoyé par le Père, parce qu'il nous a fait connaître le Père. De même le propre de l'Esprit Saint est qu'il procède du Père, et il est dit envoyé par le Père, lorsqu'il nous fait connaître celui dont il procède. Toutefois, il serait inexact d'affirmer que l'Esprit Saint ne procède point du Fils, puisqu'il est appelé dans l'Écriture l'Esprit du Fils, non moins que l'Esprit du Père. C'est d'ailleurs ce que Jésus-Christ lui-même voulut nous faire entendre, quand il souffla sur ses apôtres, leur disant « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20, 22. Car ce souffle matériel et sensible qui des lèvres du Sauveur se répandit sur le visage des apôtres, n'était point la personne même du Saint-Esprit, et nous ne devons y voir qu'un signe exprimant que cet Esprit divin procède également du Fils, comme du Père. Et en effet, qui serait assez insensé pour avancer que l'Esprit Saint, qui si Jésus-Christ donne en soufflant sur ses apôtres, n'est pas le même que celui qu'il leur envoya après son ascension? Car il n'y a qu'un seul Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du Père et du Fils, et c'est cet Esprit divin qui opère toutes choses en tous. 1 Corinthiens 12, 6. Quant au mystère de ces deux missions, j'en dirai plus tard quelque chose, selon que Dieu me l'inspirera, mais pour le moment, il suffit d'observer que Jésus-Christ, en disant « L'Esprit que je vous enverrai de la part du Père », Jean 15, 26, veut prouver à ses apôtres que cet Esprit procède du Fils non moins que du Père. Précédemment il leur avait dit que « Le Père l'enverrait au nom du Fils », idem 14, 26, mais il ne l'avait point dit que ce serait de la part du Fils, comme il avait dit qu'il l'enverrait, lui, de la part du Père. Ainsi faisait-il entendre que le Père est dans les deux autres personnes divines le principe de la divinité, ou, si l'on aime mieux, de la déité. Ainsi l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils, a pour principe le Père par qui le Fils est engendré, et quant à cette parole de l'évangéliste, le Saint-Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jean 7, 39, elle signifie seulement que cette mission, ou envoi de l'Esprit Saint, qui s'opérait après la glorification du Christ, serait plus éclatante que celle qui déjà avait eu lieu. Et en effet, l'Esprit Saint avant cette solennelle effusion, était souvent communiqué aux hommes, mais non de la même manière. Car, dites-moi au nom de qui les prophètes ont-ils parlé, s'ils n'ont point reçu ce divin esprit? Aussi, l'Écriture dit souvent et expressément qu'ils ont parlé par l'inspiration du Saint-Esprit. Elle l'assure spécialement de Jean-Baptiste, dont elle dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, et parce que Zacharie, son père, fut également rempli du même esprit, il prophétisa l'avenir du saint précurseur. C'est encore par l'inspiration du Saint-Esprit que Marie glorifia le Dieu qu'elle portait en son sein, et que le vieillard Siméon et Amine la prophétesse reconnurent le divin enfant et en publièrent les grandeurs. Luc 1, 15 à 38, 2, 25, 41 à 79. Comment donc l'évangéliste a-t-il pu dire que l'Esprit Saint n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié, si ce n'est dans le sens qu'il devait, au jour de la Pentecôte, se répandre et se donner avec une effusion et une solennité inconnues jusqu'alors? Et en effet, l'Écriture ne dit nulle part qu'avant ce jour, l'Esprit Saint ait communiqué le don des langues. Mais il le fit à l'égard des apôtres, afin de leur donner un signe sensible de sa venue, il voulut aussi montrer par là que tous les peuples, quoique divisés de langage et de nationalité, devaient tous croire en Jésus-Christ par la grâce de l'Esprit Saint. Au reste, c'est cette unité en la foi qu'avait annoncé le psalmiste, quand il s'écriait, « Il n'est point de langue ni d'idiome dans lesquels on entende la voix du Seigneur. Son éclat s'est répandu dans tout l'univers, et elle a retenti jusqu'aux extrémités de la terre. » Psaume 18, 4, 5. Chapitre 21. Révélation sensible du Saint-Esprit. Résumé. Il y a donc eu dans le Verbe comme mélange et fusion de la nature divine et de la nature humaine pour former une seule personne, et ce mystère s'est accompli lorsque dans la plénitude des temps le Fils de Dieu fut envoyé, afin que naissant de la femme, il devint pour le salut des hommes fils de l'homme. Sans doute l'ange a bien pu avant l'incarnation annoncer et représenter ce divin sauveur, mais il ne lui a jamais été permis de se substituer à sa personne. Et maintenant que dire de la colombe et des langues de feu qui signalèrent la présence de l'Esprit Saint? Ce n'était que des symboles puisqu'il existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint une entière égalité de nature, et une même éternité. La créature se montra alors docile et obéissante pour représenter par ses mouvements et ses formes cet esprit divin et immuable, mais elle ne lui fut point unie, comme dans l'incarnation la nature humaine l'a été au Verbe fait chair. Je n'ose donc affirmer qu'avant le baptême de Jésus-Christ et le jour de la Pentecôte de semblables apparitions n'aient pu avoir lieu. Mais je dis en toute assurance que le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'ont qu'une seule et même nature. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur, et que les œuvres de la toute-puissance divine appartiennent inséparablement aux trois personnes de la Sainte Trinité. Toutefois, ce mystère ne saurait être invinciblement démontré par aucun des signes ou figures que nous empruntons aux créatures sensibles et matérielles, tant celles-ci s'éloignent de Dieu et lui sont inférieures. Cette même impuissance se fait encore remarquer dans notre langage, car la parole, qui fait entendre un son matériel, ne peut nommer que séparément le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et elle est ainsi forcée de mettre comme quelque inégalité entre les trois personnes divines, puisqu'elle n'en prononce le nom que successivement, et à des intervalles plus ou moins rapprochés. Cependant, parce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'ont qu'une seule et même nature, ils ne sont qu'un seul Dieu, et ne peuvent avoir avec les créatures aucun rapport de mobilité, ni d'espace ni de durée. Les trois personnes divines existent de toute éternité, et elles existeront éternellement, car en Dieu l'éternité ne saurait se concevoir sans la vérité, sans l'amour. Lorsqu'au contraire je nomme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je les nomme séparément, et quand j'écris ces trois noms, je suis contraint de les écrire séparément. Au reste, la même difficulté se présente au sujet des facultés de notre âme. Et en effet, si je nomme la mémoire, l'intelligence et la volonté, je rapporte chacun de ces noms à une faculté spéciale de mon âme, quoiqu'en réalité cette âme soit une et indivisible. Sans doute dans le langage, on distingue la mémoire, l'intelligence et la volonté, mais dans l'opération, ou action extérieure, on reconnaît que tout est commun à ces trois facultés. Ainsi en est-il de la Sainte Trinité. Elle a parlé tout entière par le Père, s'est incarnée par le Fils, et s'est montrée dans le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Toutefois, nous ne laissons pas que de rapporter individuellement à chaque personne ses différentes actions. Cette explication peut en quelque sorte nous faire comprendre comment les trois personnes de la Sainte Trinité, quoique réellement inséparables, peuvent néanmoins agir séparément par l'intermédiaire des créatures visibles, et comment encore la même action, qui au dehors se rapporte spécialement au Père, au Fils, ou au Saint-Esprit, est cependant l'action commune et indivisible de la Trinité entière. Si vous me demandez maintenant quel fut avant l'incarnation l'agent qui mettait en mouvement les paroles, les figures et les symboles qui annonçaient ce mystère, je vous dirai que Dieu y employait le ministère des anges, comme je pense l'avoir suffisamment prouvé par divers passages des Saintes Écritures. Mais comment s'est accomplie l'incarnation? Je réponds à cette seconde question en affirmant que le Verbe de Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il s'est fait homme. Toutefois, la nature divine n'a point été changée, ni transformée en la nature humaine, mais l'une et l'autre subsistent en une seule personne, qui est tout ensemble Fils de Dieu et Fils de l'homme. Comme tous les hommes, le Verbe incarné a réellement un corps, et il possède une âme raisonnable, et nous le nommons Dieu en raison de sa nature divine, et homme en raison de sa nature humaine. Vous est-il difficile de comprendre ce mystère? Purifiez votre esprit par la foi, par la fuite du péché et par le soin des bonnes œuvres, joignez-y encore la prière et les saints désirs de la piété, et bientôt, soutenu par le secours divin de la grâce, vous arriverez à l'amoureuse intelligence de ces hautes vérités. Mais après l'incarnation, comment la voix du Père s'est-elle fait entendre, et comment l'Esprit Saint s'est-il montré sous une forme corporelle? Tout d'abord, j'affirme que ce prodige s'est opéré à l'aide d'une créature. Cependant je n'ose assurer ni que cette créature fût seulement un corps matériel, ni qu'elle n'était point mise en mouvement par cet agent spirituel que les Grecs nomment esprit, et qui sans être une âme, serait doué d'intelligence et de raison. Mais même en ce sens, il n'y aurait point eu unité de personne, comme dans le Verbe né d'une vierge. Car qui oserait dire que la créature, quelle qu'elle fût, qui reproduisait la voix du Père, fût Dieu le Père, et que la colombe ou les langues de feu qui symbolisèrent la présence de l'Esprit Saint, fussent cet Esprit lui-même? En toute hypothèse, il ne s'agit ici que d'une figure et d'un signe que Dieu dirigeait selon son bon plaisir. Au reste, il me paraît également difficile d'assigner à ce miracle une meilleure explication, et téméraire d'affirmer qu'on ne peut lui en trouver une autre. Toutefois, je m'abstiens en ce moment de prouver mon sentiment, et je le ferai plus tard, autant que Dieu m'en donnera la force. Car je dois auparavant discuter et réfuter les diverses objections que les hérétiques tirent non pas de nos livres saints, mais du raisonnement humain, et par lesquels ils accommodent à leurs erreurs les témoignages des Écritures qui établissent la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quant à l'égalité des trois personnes, je crois avoir suffisamment prouvé que pour avoir été envoyé par le Père, le Fils n'est point inférieur au Père, et que l'Esprit Saint n'est inférieur ni au Père, ni au Fils, quoiqu'il soit envoyé par le Père et par le Fils. Ce terme de mission ou d'envoi doit s'entendre du corps humain qu'a pris le Verbe, et de la créature sous laquelle l'Esprit Saint s'est montré, ou plutôt il nous rappelle que le Père est le principe des deux autres personnes, et il ne désigne dans la Trinité aucune inégalité de nature, ni aucune différence de perfection. Et en effet, supposons que Dieu le Père ait voulu se faire voir sous une forme corporelle, il n'en sera pas moins absurde de dire qu'il a été envoyé par le Fils qu'il a engendré, ou par l'Esprit Saint qui procède de lui. Je termine donc ici ce quatrième livre, et dans les suivants, avec la grâce de Dieu, je me propose d'exposer et de réfuter les subtils arguments de mes adversaires. Markendanarchive.org, d'après abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.